la maladie, je suis sur le fil comme un funambule mal habillé. Du coup ça pète du fut de bière, je trouve ça pue comme ta bouche après un stick de beurre. Moi je voulais être bien entouré, mais je me retrouve seul tout comme un gros con en tourane. Ça rêve de l'intérieur cuir, de la dernière gabardine, moi des derniers gars partis. Tu veux des dégâts répartis, j'aime pas ta bobine, n'hésite pas à ne pas m'inviter à ta répartie. C'est sûr que c'est pas de la bossa nova, mais pour les potes brésiliens je bosse pour innover. Je pourris nos sons, je peux faire l'innocent, je prends des rimes au sang. Toi quand tu voudrais faire avec, on fait ça.